L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'occasion du 8 mars, l'association Je suis féministe organise à Nancy le festival Entre deux vives. Ce sera du 5 au 9 mars, 5 jours de débats, projections, spectacles, concerts qui vont se succéder donc dans différents lieux de la ville. Pour en parler, nous accueillons au studio Célestine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, vous êtes membre du bureau de l'association ? Absolument. L'association qui existe depuis 2022, on peut peut-être rappeler ce qu'est cette association ? Oui, c'est une association qui est née d'un collectif, effectivement, et qui s'est structurée progressivement en association. On a pour objectif de favoriser les prises de conscience, en fait, sur les questions de stéréotypes, d'inégalité entre les genres, et puis de travailler également sur la question des violences sexuelles et sexistes. On fait ça plutôt dans une optique de sensibilisation avec différentes actions, pour vraiment, en tout cas on l'espère, modifier les schémas de pensée qui sont très très ancrés en nous encore aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai aussi des schémas de pensée qui sont parfois ancrés donc, par la culture, par notre éducation. Et du coup, on veut vraiment travailler à tout ça ensemble pour faire avancer ces questions d'égalité et de violence. Le féminisme comme moteur culturel. Et vous avez fait donc le choix de transformer la colère en création. Tout à l'image de ce que vous allez proposer, hein, du 5 au 9 mars avec ce festival Entre deux vives qui vient donc en parallèle d'un autre rendez-vous qui avait déjà eu lieu tous les ans avant, mais là qui va devenir tous les deux ans. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Je vais partir sur le festival Vive qui est porté par la compagnie La Muette, un festival de création féministe qui met vraiment en avant des autrices, des créatrices féministes qui vont du coup porter un message dans leur proposition artistique. Ça, c'est le propos porté dans le cadre du festival Vive et on était collaboratrice de ce festival depuis 4 ans déjà, notamment pour toutes les questions de débat, d'échange et du coup, on avait chaque année un apéro débat qui était mis en œuvre dans ce cadre. Et on en était très contente et en parallèle, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on a une chorale, la chorale de Je suis féministe, on a chanté l'an dernier au festival Vive et on voit bien que quand on chante, en fait, on passe un message beaucoup plus facilement que si je vous égrène tous ces chiffres absolument désespérants. Et du coup, en fait, la compagnie La Muette, au mois de mars, à l'issue de son festival fabuleux, est venue nous taper sur l'épaule en disant que c'était effectivement difficile de porter ça tous les ans et qu'il y avait une envie, en fait, que ça ne soit pas abandonné, cet espace de travail, de réflexion sur le territoire autour de ces questions ne soit pas abandonné en 2026. Et puis, on n'a pas réfléchi très longtemps. On a dit, OK, on va l'occuper. Je vous avoue qu'au départ, on s'était dit, on va faire un mini-vive oui. avec un apéro-débat et puis peut-être quelque chose en plus. Et puis, voilà, on s'est laissé emporter parce qu'on est hyper engagé, enthousiaste par finalement une programmation qui est vraiment assez dense et qui va proposer plein de questionnements possibles parce qu'effectivement, on a tendance à penser que le champ de la création permet de faire questionner différemment et d'avoir un rapport aussi à l'émotionnel, de permettre d'interroger aussi de manière peut-être moins désespérante. Moi, je prends souvent le parallèle avec la sécurité routière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, en fait, il y a eu un gros moment d'action publique pour la sécurité routière. Et en fait, tant qu'il n'y avait pas quelque chose d'un peu vraiment mordant et qui vient percuter, en fait, on a beau dire, en fait, vous n'en avez pas le droit, c'est la loi, ce qui est valable aussi pour le sexisme est un délit. En fait, on se dit, on peut quand même peut-être boire un petit coup, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais si on est touché, soit effectivement par une pub télé vraiment impactante ou par effectivement un proche, souvent, en fait, ça modifie un tout petit peu les schémas de pensée. Et voilà, moi j'ai tendance à penser ça et que du coup, ce festival peut aussi, par le biais d'échanges, de voir des spectacles, on peut imaginer que de manière peut-être moins frontale et moins peut-être descendante et moins critique finalement, il puisse y avoir ces prises de conscience en se disant « Ah bah ouais, mais en fait là, ça peut-être, je l'ai déjà fait, c'est peut-être pas terrible en fait ». Ce festival Entre deux vives qui prend corps donc à partir du 5 mars dans différents lieux de la ville. Ça commencera, on va faire un petit tour d'horizon de la programmation. Ça commencera le jeudi 5 mars donc avec un ciné-débat, ce sera au Caméo Commanderie. Oui, en fait cette soirée, elle nous tient vraiment à cœur. Déjà parce qu'on est aussi en partenariat avec le Caméo maintenant depuis quelques années et en lien avec la ville de Nancy hein, qui nous aide aussi sur cette soirée. On a voulu la monter sur le thème de la femme dans l'espace public. En fait, on a travaillé il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, à une magnifique fresque qui est rue Chalneau, qui est une œuvre produite par l'artiste Rouge Hartley et qui a été produite à l'issue de 3 jours de performance de personnes qui étaient invitées par le collectif, qui s'étaient inscrites pour participer à ces 3 jours de performance. Et ces 3 jours de lien collectif a permis de créer cette fresque qui est absolument magnifique. Et pendant ces 3 jours, Lucas Merlet, qui est vidéaste et documentariste, du coup, nous a filmé. Et donc, on va projeter le documentaire pour la deuxième fois, qui raconte l'histoire de cette performance, en fait, de 3 jours ensemble autour de comment les femmes s'approprient l'espace public, comment on fait corps ensemble. Et donc, voilà, c'est un documentaire qui est assez émouvant. Et puis, le deuxième film qu'on avait envie de partager et d'avoir un temps d'échange, c'est aussi sur les colleuses, qui s'appelle Riposte Féministe. Et en fait, c'est un documentaire qui présente dans 5 villes de France des colleuses qui décident d'aller mettre des messages contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue, la nuit. Donc, voilà, on peut imaginer tout ce que ça fait écho. Et elles disent à quel point ça leur rend une force incroyable, en fait, de pouvoir prendre les rênes la nuit. Alors ça, c'est le premier rendez-vous, c'est dès le jeudi 5 mars. Alors il y a beaucoup de rendez-vous hein, dans des thématiques différentes. On va peut-être pas pouvoir tout détailler. Bah, vous avez évoqué tout à l'heure la chorale Je suis féministe, on peut peut-être en dire quelques mots et vous interviendrez. Il y aura un happening notamment le 7 mars. Oui, puis c'est vrai que ça peut tout à fait intéresser les auditeurs et auditrices parce qu'au-delà de regarder le spectacle, on peut là vraiment participer. Il y a un lien d'inscription sur notre site si vous voulez participer au happening. En fait, en amont de la manifestation pour le droit des femmes du 8 mars à 14h30, pour celles et ceux qui seront inscrites, on a une séquence d'une heure de répétition juste avant, avec trois chants de la chorale. Donc on va à peu près une cinquantaine de choristes de notre chorale et puis toutes celles et tous ceux qui voudront nous accompagner pour 3 chants qui seront dans l'espace public et qui devraient, en tout cas, si le nombre, si nous grossissons le nombre de chanteurs et de chanteuses, devraient être assez émouvants. Donc, il ne faut pas hésiter à vous contacter, à vous rejoindre surtout. Donc, il y aura des rendez-vous à l'autre canal, sur le plateau de Haye, au musée des Beaux-Arts aussi. Il y a un spectacle, une pièce chorégraphique qui revient à plusieurs moments, ça s'appelle Viril. Oui, alors c'est la compagnie Kinlo, c'est vraiment la compagnie extérieure qu'on fait venir pour ce temps de festival. C'est une jeune compagnie qui a eu son petit succès récemment, là, notamment sur l'été, qui propose un spectacle qui s'appelle Viril, donc autour des gestes de la masculinité et des questions de sensibilité. Elle propose en fait un spectacle qui est en salle en 45 minutes. Et ce qui nous a intéressé, c'est qu'elles ont une version plus courte, mais qui est valable dans l'espace public. Et c'est vrai que ces questions de gestes de la masculinité arrivent quand même souvent aussi dans l'espace public et ça nous a semblé intéressant de pouvoir proposer ces 2 formes courtes, à la fois sur l'espace campus Brabois Santé et à la fois au niveau du terrain de basket à côté de la MJC du Haut du Lièvre, du plateau de Haye. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout un travail qu'on est en train de mener aussi avec les associations et ça nous a semblé vraiment important. Et puis elles joueront leur spectacle en salle, de manière plus classique, le même jour, le dimanche à Poirel. Si on veut retrouver un peu tout le programme, on va sur le site de l'association. Oui, absolument. Alors donc c'est jesuisféministe.fr. Vous avez un petit onglet entre deux vives, vous avez tous les liens de billetterie. Alors la plupart des événements sont quand même gratuits, mais souvent il faut s'inscrire. Donc en fait, voilà, quand je dis billetterie, c'est au sens large pour pouvoir en profiter, mais c'est pas forcément payant. On a essayé vraiment de travailler sur cette question de la tarification. Et puis, vous nous retrouvez aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment Instagram et puis Facebook, voilà, où vous retrouvez de manière assez facile et après tous les liens possibles pour avoir les infos. Entre deux vives, c'est le festival féministe, c'est du 5 au 9 mars. J'aimerais qu'on aborde une petite question, c'est sur le visuel, l'affiche qui interpelle forcément ce visage entre humain et animal. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Ça a été créé par Maud Gelly, c'est ça? Oui, alors on la remercie encore vraiment très chaleureusement. Maud Gelly, c'est une artiste du territoire qui, en fait, nous a proposé de nous offrir le visuel de notre festival. On a été hyper enchantée qu'elle nous fasse cette proposition. On en a discuté ensemble hein, pour se dire qu'est-ce qu'on avait envie, nous, de montrer. Et puis, c'est vrai que, en fait, dans la chorale, on a pas mal de chansons où on parle de chiennes, de louves. Donc, c'est la terminologie animale est assez présente. Et puis, du coup, elle, ça l'a bien intéressée de travailler à ça parce que ça évite aussi, vous voyez, l'écueil un peu du... il faut démontrer toute la diversité de toutes les femmes. Donc, voilà, là, on a vraiment un seul personnage en fait qui nous paraît vraiment assez badass, hein, assez forte et qui nous regarde, qui plante quand même son regard de manière assez implacable. Et ce qui est intéressant en fait, et vous pourrez vous amuser à retrouver ça, c'est qu'il y a quatre chanteuses qui sont cachées dans le visuel de cette louve. Voilà, je peux vous donner un petit indice avec la Marguerite, hein, avec une chanson qui a beaucoup tourné sur les derniers temps. Donc voilà, il y a quatre chanteuses qui sont cachées dans ce visuel et c'est vrai que nous, on a vraiment adoré cette proposition graphique qu'elle nous a faite, quoi. Quand on fait un festival féministe, c'est pas que pour les femmes? Absolument, c'est pour tout le monde. C'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Le seul endroit en fait où on est en mixité choisie, c'est sur la chorale, sur les temps de répétition et de prestations de la chorale. Mais sinon, on est vraiment l'objectif de pouvoir être sur un tout public pour les prises de conscience, les débats, les échanges de tout le monde. Voilà, on n'a pas abordé tout le programme, il y a beaucoup de choses, hein, débats, projections, rencontres, performances, chorales. Il y a un autre temps fort que vous aimeriez mettre en avant qu'on n'a pas forcément abordé là? Oui, un moment qui peut être vraiment rigolo, c'est notre bingo féministe. Donc c'est un peu la pré-soirée de l'autre canal, c'est la soirée festive du samedi soir. Et c'est vrai qu'on fait un bingo avec la compagnie des Bonas, qui du coup va être pédagogique. Je pense qu'on va bien se marrer en fait et que je le dis souvent en fait, l'ADN un peu aussi de Je suis féministe, c'est que on prend du bon temps en fait et on n'est pas du tout dans la caricature de la féministe aigrie, mais qu'on est, on est vraiment bien ensemble et on prend plaisir et, à être ensemble et à partager. Et là, je pense que le bingo, ça sera ça aussi. Et s'il y avait un message que vous aimeriez qu'il soit retenu sur ces 4 jours et cette première édition du festival? Faites tous un pas pour aller vers l'égalité et contre les violences. Merci. Je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.